Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, les hommes de l'ombre. Premier volet de notre série de 2 épisodes consacrée à l'une des plus grandes affaires d'espionnage du XXe siècle, les 5 de Cambridge. Dans l'histoire du renseignement, c'est probablement le dossier le plus spectaculaire qu'on ait jamais vu. De l'avis d'anciens membres des services secrets, c'est aussi l'opération d'infiltration la plus audacieuse jamais accomplie. Au début des années 30, en pleine montée des fascismes en Europe, 5 hommes, tous âgés d'une 20aine d'années, issus de l'élite de la société britannique, charismatiques, intelligents, séducteurs, cultivés, insoupçonnables, 5 étudiants de l'une des plus prestigieuses universités de la couronne anglaise, ces hommes bien sous tout rapport, vont infiltrer les plus hautes sphères politiques de leur pays pour ensuite trahir. Comment et dans quelles conditions ce réseau de Cambridge s'est-il formé ? Qui étaient ces 5 étudiants devenus par la suite des agents au service d'une puissance étrangère? Pourquoi ont-ils agi ainsi et surtout de qui recevaient-ils leurs ordres? Notre invité aujourd'hui, Sergueï Jernov, ancien officier supérieur des services de renseignement d'Union soviétique. Il est un témoin privilégié de cette affaire. Lors de sa formation à l'école du KGB, il a assisté à une conférence de Kim Philby, l'un des 5 hommes du réseau de Cambridge. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Adrien Cara, coordination Christophe Barrère, réalisation Marion Lelay. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Octobre 1929, la crise s'abat sur les États-Unis puis sur le monde. On a trop produit dans tous les genres et dans tous les pays. Les ateliers s'arrêtent, faute de clientèle. On détruit les produits en excédent. Le lait est jeté au ruisseau. Le café chauffe les locomotives. Le blé, qui ne trouve plus d'acheteurs, est précipité dans la mer ou consumé dans de vastes brasiers. Pendant ce temps, les chômeurs mourraient de faim s'ils n'étaient aidés par la charité publique ou privée. Dans tous les pays, les manifestations des sans-travail se multiplient. Aux États-Unis, les anciens combattants marchent sur Washington. En Angleterre, meeting monstre à Hyde Park. Automne 1929, un vent de panique souffle sur le monde. Une bulle spéculative d'achat à crédit explose aux États-Unis. C'est le premier krach boursier de l'ère moderne. Ce jeudi noir du 24 octobre 1929 à Wall Street est le point de départ d'une crise économique d'une ampleur jamais vue. Victime collatérale, l'Europe n'échappe pas au désastre. Partout sur le vieux continent, plusieurs grandes banques se déclarent en faillite. Des centaines de milliers d'épargnants se retrouvent ruinés. La récession frappe à la porte de toutes les usines et de toutes les entreprises, entraînant avec elle un regain de tension sociale et la propagation d'idées nationalistes, voire xénophobes. Parmi les premières victimes de ce fléau, il y a le Royaume-Uni. À Londres, le gouvernement travailliste, jugé par les uns trop rigides en matière de politique sociale et décrié par les autres comme trop libéral sur le plan économique, se retrouve dans l'impasse. Conséquence, une partie de la jeunesse anglaise, éduquée, cultivée, désabusée. Le terreau est alors fertile aux idées, aux hypothèses, dont celle-ci. Et s'il fallait imaginer ou se fier à un autre système et à d'autres valeurs que celles prônées par le capitalisme, l'idée fait son chemin dans toutes les parties de cerveau disponibles pour trouver un nouveau paradigme. En cette fin d'année 1929, alors que les titres des journaux témoignent de l'inquiétude qui étreint les grandes capitales du monde, dans les couloirs et les salles de classe de la prestigieuse université de Cambridge, l'ambiance reste studieuse. Située dans la campagne anglaise, à 80 km au nord de Londres, Cambridge est un lieu d'excellence. Ici, et plus particulièrement au Trinity College, se croisent et se rencontrent l'élite de la jeunesse outre-Manche. Fils et filles de hauts fonctionnaires de la couronne, enfants d'un grand entrepreneur travaillant pour la Compagnie britannique des Indes orientales, ducs ou duchesses liés à la reine, Cambridge accueille toutes celles et tous ceux qui seront amenés par la suite à exercer des postes à responsabilité dans le pays, que ce soit en politique, dans l'économie, l'administration ou bien encore dans le renseignement. Oui, comme en témoigne l'historien Alain Decaux. Au Trinity College de Cambridge, la crise économique provoque un brusque changement dans les discussions entre les étudiants. Avant 1929, le sujet de conversation à Cambridge, c'était la poésie. Après 1929, c'est la politique. Oui, ces jeunes gens sont absolument enragés de politique. Alors ils ne sont pas tous communistes, non, mais il y en a pas mal. D'autres qui sont communisants, d'autres qui sont de gauche, mais d'une gauche avancée. Disons aussi que c'est une mode. Au cœur même de l'université de Cambridge, à l'abri de regards indiscrets, il existe une société intellectuelle secrète encore plus élitiste. Baptisée les apôtres, elle réunit ses membres une fois par semaine à la tombée de la nuit dans la bibliothèque d'un vieux manoir. Pour entrer ici, il faut avoir été invité par l'un des membres de la communauté et surtout justifié d'une certaine ouverture d'esprit. Car si officiellement les apôtres sont un lieu de conférence sur des sujets d'actualité, politiques, économiques ou philosophiques, c'est en réalité un endroit de plaisir. Alcool, sexe, homosexualité désinhibée, idées subversives encouragées. Ici, en effet, loin de l'environnement social rigide des familles londoniennes, les livres de Karl Marx sont admirés. La révolution d'octobre 1917 est l'objet tantôt de débats, tantôt d'éloges. Le communisme fascine, au point que certains le voient déjà comme un rempart à la montée des fascismes. C'est dans ce contexte qu'un jeune homme de 17 ans, titulaire d'une bourse d'études en histoire et en économie, se présente un soir de novembre à la porte du manoir des apôtres. Costume en tweed gris, élégant gilet, chaussures cirées, Harold Philby, c'est son nom, affiche belle prestance. Il est grand, il est beau, il est blond, il a les yeux bleus et le teint éclatant. Dans ses mémoires, très hagiographiques, ce même Philby écrit « J'ai tout de suite été intégré aux apôtres. » Car eux et moi étions sur la même longueur d'onde. Nous savions que la politique telle qu'on la faisait à Londres n'avait plus aucun sens. Face à ses nouveaux camarades d'université, Philby s'impose par son charisme. Original, il leur demande de ne pas l'appeler Harold, son vrai prénom, mais Kim, en référence au personnage d'un roman de Rudyard Kipling, dont son père était fan. Et comme l'expliquera par la suite l'écrivain britannique Graham Greene, dès ses premiers mois à Cambridge, Philby démontre déjà son talent pour jouer des rôles, dissimulés, organisés, sans jamais être pris la main dans le sac. Dès le début, Kim Philby fascinait tous ses camarades du Trinity College. Nombre d'entre eux se pressaient autour de lui pour écouter ses histoires. Parmi celles-ci, il y en avait une au sujet de son père, un homme mystérieux, devenu par la suite espion au service de Sa Majesté. Partout où il allait, Philby avait cet étonnant pouvoir d'attraction sur les gens. Il était si fort et doué pour le contact qu'on en oubliait presque son bégaiement si prononcé qu'il aurait fait passer n'importe qui d'autre pour un imbécile. Et puis, chez Philby, il y avait cette nonchalance assumée et ce côté séducteur qui ne laissait aucune femme indifférente. Car oui, Philby aimait les femmes, uniquement les femmes. C'est ce qui le différenciait d'ailleurs de ses autres camarades. Au début de l'année 1930, un autre jeune homme débarque à l'université de Cambridge. Lui a un look et une allure de dandy. Il est grand, il est beau, lui aussi, il a une classe folle. Champion de cricket, fils et petit-fils de grands officiers de la marine britannique, Guy Burgess, a la réputation d'être un garçon brillant et intelligent. Et sur le papier, son profil ressemble beaucoup à celui de Philby. À une différence près, toutefois. Quand Philby s'est resté discret, Burgess, lui, est vindicatif, expressif. Il veut être vu pour ce qu'il est, un marxiste et un homosexuel. Il n'hésite pas à se lever et à le crier devant tout le réfectoire de l'université médusé. En l'espace de quelques semaines, Burgess devient une personnalité de premier plan au Trinity College. Et il fait rapidement la connaissance de Philby, non pas sur les bancs d'un amphithéâtre, mais lors de soirées bien arrosées. Certes, Philby n'est pas homosexuel, mais il exerce sur Burgess un étonnant pouvoir de fascination. Et surtout, Philby partage la même idéologie, il est fasciné par le communisme. Aux deux hommes s'ajoute bientôt un troisième compagnon. Lui aussi, comme Burgess, est homosexuel, et lui aussi, comme Burgess, et Philby d'ailleurs, a un fort penchant pour la bouteille. Lui, c'est Anthony Blunt. Fils d'un pasteur anglican, lointain neveu d'un comte anglais, il étudie l'histoire de l'art à Cambridge. Il est l'un des tout meilleurs élèves dans sa discipline. Sur le plan politique, en revanche, il n'a pas de conviction arrêtée. Et comme l'explique le journaliste Amaury Chardot, c'est sa rencontre avec Guy Burgess qui va tout déclencher. À Cambridge, un professeur d'économie crée une première cellule communiste à laquelle adhère un nombre croissant d'étudiants. L'un d'eux, que Blunt rencontre en 1930, s'appelle Guy Burgess. Lui est un homosexuel affiché, érudit et exubérant, d'une conversation éblouissante, mais qui souffre déjà d'un sérieux problème d'alcool. Il est probable que tous deux entretiennent une relation passagère. Burgess n'aimant que les passades. Mais une profonde amitié lie les deux hommes. Un an plus tard, au printemps 1931, arrive un quatrième larron, Donald McLean. Mais là, le défilé de mode est terminé. Ce garçon-là a l'air un peu mou, le teint pâle, la coupe de cheveux en brosse, nez pointu, regard perçant. À l'inverse de ses trois compères, il n'est pas un séducteur pour un sou. Non, plutôt effacé, plutôt suiveur. Fils d'un ministre libéral, il défend les idées de gauche. Très vite, il rencontre Burgess, et une relation de confiance, d'amitié et de plaisir charnel se lie entre les deux hommes. Puis, dans la foulée, McLean rencontre Philby et Blunt. Le soir, à l'abri des regards indiscrets, le petit groupe se retrouve et partage ses idées sur le communisme autour d'un verre. À eux quatre, ils forment un groupe à part, et ils se considèrent d'ailleurs comme les hommes de l'ombre. La vocation, déjà. C'est à ce moment-là d'ailleurs qu'ils passent un pacte. Une fois leur diplôme en poche, quoi qu'il arrive, ils se retrouveront. Deux ans plus tard, Kim Philby, diplômé d'économie en 1933 et revêtu de la respectabilité traditionnelle britannique, comme toute personne qui sort de Cambridge, est le premier de la bande à quitter le Trinity College. Fortune familiale aidant, il part visiter l'Europe. Et en cette année 1933, il est témoin de la montée des fascismes sur le continent. Au printemps 1933, Adolf Hitler et les nazis s'emparent du pouvoir à Berlin. En Allemagne, un nouveau modèle de société s'impose. Basé sur le souverainisme triomphant, xénophobie au bout du fusil, avec comme système de pensée la race, la haine. Alors que Burgess, McLean et Blunt sont toujours en Grande-Bretagne, Philby, lui, parcourt les capitales d'Europe. Après un voyage de plusieurs semaines entre la Hollande, la Belgique, la France et la Suisse, c'est à Vienne, en Autriche, que Philby assiste, impuissant, à la montée réversible du fascisme. Ici, dans ce petit pays frontalier avec l'Allemagne, le jeune Britannique rencontre une militante juive et communiste, une certaine Alice. Amoureux, il l'épouse, elle et le combat qu'elle porte. Dès lors, l'ancien étudiant de Cambridge n'occupe plus seulement la fonction de journaliste pigiste. Lorsque la nuit tombe sur Vienne, il aide Alice et le parti communiste local, transportant dans sa sacoche en cuir leurs documents, informations et même de l'argent. Aux policiers qui l'interpellent parfois au détour d'une rue, Philby se métamorphose. Lui, que l'on connaissait au Trinity College comme charismatique et sûr de lui, dégaine son passeport britannique d'une main tremblante. Abusant de son bégaiement, parfois se montrant impressionnable, souvent, il est méconnaissable dans son rôle de jeune homme naïf. Et force est de constater que ça marche. À chaque fois, Philby passe entre les mailles du filet de la police autrichienne. Malgré ses efforts et son implication, il est le témoin puissant de la guerre civile qui frappe l'Autriche en 1934. Pendant 4 jours, Vienne est le théâtre de toutes les traques, intrigues et fusillades. Cet épisode, connu sous le nom d'insurrection de février, se termine par un massacre avec la mise à mort de la gauche autrichienne par les forces fascistes du Premier ministre. Le 16 février 1934, plus de 300 cadavres d'hommes et de femmes sont alignés et exhibés dans les rues de Vienne. De son côté, Philby réussit à sauver 6 ouvriers communistes des griffes de la police. Le traumatisme de cet épisode sera profond pour l'ancien étudiant de Cambridge. Automne 1935. À Londres, la société britannique est en proie à de fortes tensions politiques. Tandis qu'une partie de l'élite anglaise cède aux sirènes nazies, l'idéologie communiste, elle, continue de séduire un nombre croissant d'individus, et plus particulièrement des jeunes. C'est dans ce contexte que Kim Philby et sa femme Alice rentrent à Londres. Et c'est précisément à ce moment-là, d'après Patrick Penaud et Monsieur X, émission de France Inter, que Philby aurait été approché par un agent du NKVD les services secrets de l'Union soviétique. Cet agent du nom d'Arnold Deutsch, nom de code Otto, aurait bien tenté de le recruter. Lorsque Kim Philby revient à Londres, accompagné de sa jeune épouse, c'est tout naturellement qu'il rencontre Deutsch et qu'il va se trouver enrôlé. Il a alors terminé ses études, la fille? Oui, brillamment. Des études d'économie. Est-ce que Deutsch lui confie tout de suite une mission? Non, c'est trop tôt. Une taupe doit d'abord creuser des galeries avant d'être efficace. Et puis, je vous l'ai expliqué, Philby est préalablement obligé de donner l'impression qu'il a rompu avec le communisme. Et il va faire une volte-face étonnante. Une volte-face? Oui, ou un double jeu. Devant sa famille et ses amis, Kim Philby tient un discours inversé. Le communisme, oh, il n'y croit plus. Une société sans classe, une aberration. En public et face à ses proches, Philby affiche ainsi un libéralisme de bon aloi, très conservateur. Il prend même sa carte dans une association proche de l'extrême droite, le groupe d'amitié entre l'Angleterre et l'Allemagne. On aura compris, le voilà déjà dans son rôle. Car en coulisses, et en vérité, Philby suit les ordres de l'agent du NKVD qu'il a rencontré à Vienne. Sa mission est claire, il doit se fabriquer de nouvelles images, être insoupçonnable, et dans le même temps, là est le cœur de sa mission. Recruter des individus qui pourraient être des informateurs pour les soviétiques, autrement dit, des espions. Et parmi ceux vers qui Philby se tourne, naturellement, on trouve ses amis d'université, la bande de Cambridge. Premier à être approché et enrôlé, devenu entre-temps conseiller financier, Guy Burgess, le grand idéologue du groupe. Autant dire qu'il accepte avec enthousiasme cette incroyable opportunité de servir une cause à laquelle il croit. Burgess rencontre dans la foulée l'agent du NKVD, Arnold Deutsch, et comme Philby, il se métamorphose immédiatement. Il adhère lui aussi au groupe d'amitié entre l'Angleterre et l'Allemagne, puis il part en URSS, et lorsqu'il rentre, il se met à critiquer le modèle socialiste. Burgess se montre même virulent et menaçant contre ce qu'il surnomme la folie rouge. Lui aussi, évidemment, comme Philby, simule, et il entend bien gravir les échelons de l'appareil d'État britannique pour mieux ensuite espionner de l'intérieur. C'est dans ce but que dans les mois qui suivent, Guy Burgess se fait engager comme collaborateur à la BBC. Il travaille alors pour la prestigieuse émission La Semaine à Westminster qui couvre l'actualité politique du pays. Il rencontre ainsi des personnalités de haut niveau dont il écoute les confidences. Le premier ministre en fonction, Neville Chamberlain, mais surtout un homme amené à prendre d'autres responsabilités dans le futur, Winston Churchill. Comme l'explique Alain Decau, c'est Philby qui amène alors un à un ses anciens compagnons de Cambridge dans les bras du NKVD. Nous savons que c'est Philby, devenu agent soviétique, qui très vite a présenté Guy Burgess à ses nouveaux contacts soviétiques, et Guy Burgess a été lui aussi recruté. Un peu plus tard, ce sera le cas de Donald MacLean. Sous l'influence des services secrets soviétiques, Donald MacLean, amant de son mentor Burgess, change de carrière. Il intègre le ministère des Affaires étrangères. Il est alors le premier du réseau des hommes de l'ombre de Cambridge à pénétrer les allées des pouvoirs britanniques. Mais pour l'instant, le NKVD ne réclame rien, bien au contraire. La consigne que reçoit MacLean est la même que celle qu'a reçue Burgess, faire sa place à l'intérieur du système et paraître insoupçonnable. Vient le tour d'Anthony Blunt, celui qui étudiait l'histoire de l'art à Cambridge et dont les convictions politiques étaient un peu moins tranchées que celles de ses camarades. Eh bien, en 1936, le jeune homme est désormais directeur d'études au Trinity College. Il supervise les recherches de plusieurs étudiants. Burgess et Philby reprennent contact avec lui et l'incitent à rencontrer l'homme du NKVD. Et c'est ainsi que, dans les mois qui suivent, Blunt va non seulement accepter de collaborer pour les services secrets soviétiques, mais il va également leur présenter de nouvelles recrues dont l'identité n'est alors connue que de lui seul. Cet homme, au profil bien différent de Philby, Burgess et MacLean, sera le fameux cinquième homme de la cellule de Cambridge. Et pendant 40 ans, personne, à l'exception d'Anthony Blunt et des services secrets soviétiques, ne connaîtra jamais sa véritable identité. When you were young and your heart was an open book, you used to say, live and let live. You know you did, you know you did, you know you did. changing world in which we live in makes you give in and cry. Say, live and let die. Faire sensible, Fabrice Drouel. Arriba España! Viva España! Viva España! El país que sea, coño! Viva España! Fuera Europa! Juillet 1936, la guerre civile éclate en Espagne. À Madrid, le leader des nationalistes Franco annonce qu'il fait alliance avec Hitler et Mussolini. Parmi les journalistes sur place, qui vivent les événements au jour le jour, il y a un ancien étudiant de Cambridge, au look raffiné, digne de la vieille Angleterre. Ce jeune homme, de tout juste 24 ans, c'est Kim Philby. Grâce à son réseau de relations, il réussit à décrocher un poste pour le prestigieux journal anglais Times. En Espagne, il est correspondant de guerre et suit l'armée franquiste. Idéal pour faire croire qu'il épouse ses thèses. Philby est tellement investi sur le terrain pour ses reportages qu'il échappe de peu à la mort lors d'un bombardement mené par l'aviation franquiste. Au même moment, à Londres, Burgess, McLean, Blunt et le mystérieux cinquième homme tentent d'infiltrer les sphères de pouvoir britanniques. Après un rôle de producteur à la BBC, Guy Burgess, dont l'homosexualité lui a permis de créer un réseau d'amants parmi les attachés parlementaires qu'il fait tantôt chanter, tantôt parler, se fait introduire dans le cercle fermé des services secrets extérieurs du Royaume-Uni, le MI6. Pour le renseignement anglais, Burgess possède un profil intéressant. Il vient de Cambridge. Il dispose d'un formidable réseau de contacts chez les responsables politiques. Le MI6 le place à la section D, sabotage et guerre psychologique. McLean, lui, gravit les échelons au sein du Foreign Office. À récompense de son travail et de sa loyauté, il est nommé en 1938 comme troisième secrétaire de l'ambassade du Royaume-Uni à Paris. Il a accès au compte rendu de l'ambassadeur et peut savoir ce qui se transite par la valise diplomatique. Anthony Blunt, de son côté, continue son travail de professeur à Cambridge, en plus de son poste de conseiller au ministère de la Culture britannique. Quant au cinquième homme, dont l'identité n'est alors connue que de Blunt, il intègre lui aussi le ministère des Affaires étrangères britannique. Pour l'instant, ce que l'agent de liaison des services soviétiques demande toujours aux cinq hommes, c'est de ne rien faire qui puisse freiner leur infiltration au cœur même de l'appareil d'État anglais. Comme en témoigne un agent du NKVD en mission en Grande-Bretagne. Au début, le paradoxe, c'est que le NKVD ne leur demandait rien. Aucune information. Aucun renseignement. On leur demandait juste d'attendre. Les soviétiques voulaient en effet que chacun d'entre eux se crée un profil au-dessus de tout soupçon. Pour Philby, c'est alors une désillusion. Il est frustré de ce rôle. Il voudrait faire mieux. Il voudrait être opérationnel. Burgess, lui, boit trop et il se révèle déjà instable. Ses relations et ses frasques sexuelles contribuent à lui donner l'image d'un homme si stupide qu'il ne pourrait jamais être espion. McLean et Blunt sont les deux seuls à ne pas faire de vagues. Quant à leur complice, le cinquième de la bande, il est celui qui va dépasser, et de loin, toutes les espérances des soviétiques. Avec le début de la Seconde Guerre mondiale en 1939, les services secrets de toute Europe occidentale sont en état d'alerte. On recrute des agents à foison. En Angleterre, tous ceux qui sortent de Cambridge sont sollicités d'une manière ou d'une autre. Face à l'urgence, les enquêtes habituelles sur le parcours et les convictions des futurs agents sont réduites à leur strict minimum. Un chef d'entreprise anglais, pourtant proche de l'extrême droite et adepte des théories national-socialistes, devient par exemple agent de liaison du MI6 en Hollande. Dans les cadres d'opérations spéciales, les officines de renseignement britanniques forment et entraînent également des espions capables d'être parachutés derrière les lignes ennemies pour des missions commando. Kim Philby, affublé de l'étiquette de reporter de guerre, est ainsi recruté par le prestigieux SOE, l'unité d'action des services secrets britanniques, les super espions dont le travail pendant la Seconde Guerre mondiale fut si important, remarquable, héroïque. Partout dans les pays occupés par l'ennemi, ces hommes et ces femmes savonneront la planche des nazis, partout où ils pourront le faire, apportant leur soutien sans faille à toutes les organisations de résistance contre les nazis. C'est dans ces conditions que Philby va former des agents de la France libre, comme le résistant Yvon Moranda. Ce dernier donnera par la suite une description de Philby. C'était un intellectuel britannique, très cultivé, légèrement aventurier. Il avait un petit défaut de prononciation et un petit tic nerveux. Est-ce que vous vous êtes interrogé un jour sur la sincérité de Philby ? Jamais. Est-ce que, dans son enseignement, il parlait volontiers du communisme ? Bien sûr, car il fallait qu'il nous renseigne sur les méthodes communistes, comme il nous renseignait sur les méthodes nazies. Anthony Blunt, lui, est recruté par le MI5, le service de contre-espionnage britannique, au milieu de l'année 1940. Sa mission ? Démasquer les traîtres et les agents d'influence partout en Grande-Bretagne. Ironie de l'histoire quand on sait que lui travaille secrètement pour les soviétiques. De son côté, Donald McLean poursuit sa carrière dans la diplomatie. Il se retrouve premier secrétaire d'ambassade à Washington. Un poste prestigieux, mais surtout, un poste qui va lui ouvrir un champ d'investigation inespéré pour les soviétiques. Obtenir une préversion de la charte de l'Atlantique. Rien que ça. Quant au cinquième homme, dont personne ne se doute toujours de l'identité, on sait juste qu'il devient secrétaire personnel du ministre au cabinet de guerre au sein du gouvernement de Churchill. Voilà. Le tableau des cinq de Cambridge serait presque complet, mais ce serait sans compter sur les frasques de Guy Burgess, car celui-là, l'ancien chef de la bande à Cambridge, ne sait pas faire profil bas et, à force d'arrogance, il se fait exclure des services de renseignement. Dès le départ, le profil de Burgess, alcoolique, à la sexualité débridée, à la forte personnalité, aurait refroidi n'importe quel service de renseignement. Idéologiquement convaincu par le communisme, l'homme n'en reste pas moins instable. Pourtant, les soviétiques ferment les yeux sur ses frasques. Certains diront qu'ils avaient besoin de lui non pas pour ses talents d'espion, mais plutôt pour sa phénoménale capacité à recruter d'anciens amants étudiants de Cambridge. Du groupe des anciens étudiants, justement, Philby et le cinquième homme sont véritablement les seuls à entrer en action. En mai 1941, le premier va faire passer à l'ambassade d'Union soviétique à Londres la copie secrète de l'interrogatoire du dirigeant nazi Rudolf Hess, capturé après une rocambolesque tentative de négociation avec les Britanniques sans prévenir Hitler, juste pour exister, une folie. Toujours en 1941, le mystérieux cinquième homme, désormais secrétaire personnel du ministre du cabinet de guerre, transmet à son agent de liaison du NKVD des rapports secrets du MI6, des télégrammes du Foreign Office et même un rapport ultra-secret de la Commission gouvernementale britannique de l'énergie sur le développement à partir de l'énergie atomique d'une arme au fort pouvoir explosif. Voilà le genre d'informations transmises à Moscou, du gros, du lourd. En juillet 1943, les informations transmises par le 5e homme vont aussi permettre aux soviétiques de triompher sur la Wehrmacht lors de la bataille de Kursk. Au total, plus de 600 avions allemands et près de 150 chars sont détruits au sol par une série de bombardements. Cette victoire, juste après celle de la bataille de Stalingrad, marque un tournant dans la contre-offensive de l'armée rouge pour reconquérir l'Europe continentale. À Moscou, Staline jubile lorsque le chef du NKVD lui apprend que c'est l'un de leurs agents en Grande-Bretagne qui a fourni ce renseignement stratégique. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, le vent des relations diplomatiques tourne. L'Union soviétique et le Royaume-Uni, alliés jusqu'alors de circonstances, redeviennent ennemis. Avec les débuts de la guerre froide, deux camps se forment, l'Est d'un côté, l'Ouest de l'autre. Et les intrigues liées à l'espionnage fleurissent partout à travers le monde. Londres et Berlin deviennent de véritables nids d'espions où les services de renseignement se livrent les coups les plus tordus. C'est dans ce contexte que les soviétiques vont alors faire passer à l'action le réseau des cinq de Cambridge, Filby, Burgess, Blunt, MacLean et leur cinquième et mystérieux comparse. Cette fois, la consigne est claire. Piller la Grande-Bretagne de ses secrets technologiques, de ses secrets diplomatiques, de ses projets. Connaître les opérations d'espionnage britanniques contre l'URSS avant même que celle-ci n'ait lieu. Les cinq de Cambridge vont alors se retrouver à l'origine et au cœur de la plus grande opération de renseignement de toute la guerre froide. Cette opération, nous la découvrirons demain dans le second épisode sur Affaires Sensibles, France Inter, même endroit, même heure. Et de Russie, de vodka je t'écris ces mots transis, ces mots d'ici. Ivanovna, je n'ai que toi. Secret d'État. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, les 5 de Cambridge, premier volet dont nous allons parler avec notre invité, qui sera le même demain d'ailleurs, Sergueï Girnov. Bonjour. Здравия желаю, товарищ Фабрис Друэль. Merci, cher Sergueï Girnov. Ancien officier supérieur des services de renseignement de l'Union soviétique, vous êtes un témoin privilégié de cette affaire. Alors, lors de votre formation à l'école du KGB, vous avez assisté à une conférence de Kim Philby et dans votre livre, intitulé « Pourchassé par le KGB, la naissance d'un espion » paru aux éditions Corpus Delicti, vous revenez sur son recrutement, les opérations clandestines, votre vie d'espion. D'ailleurs, vous avez été espion... C'est marrant de dire que vous êtes espion de officier de renseignement. Ouais, officier de renseignement. De quelle date à quelle date? Enfin, ça a commencé quand? Ça commence par mon entrée en 1984, la même année d'ailleurs que Vladimir Poutine, à l'Institut Andropov. Moi, j'ai suivi pendant trois ans la formation dans cet institut, et puis après, je suis rentré dans la vie opérationnelle à partir de 1987, et j'y suis resté pendant 5 ans jusqu'à 1992. D'accord, on va passer un petit accord. Le nom du cinquième, je ne l'ai pas donné, et je n'entends pas le donner avant demain, d'accord? Ok. Ok. Alors, je vais garder le secret. Ouais, très bien. Vous savez faire, hein. C'est comme une seconde nature. Tout à fait. L'histoire que nous venons de raconter prend souvent le nom de l'affaire dite des 5 de Cambridge. Il me semble que vous avez un autre chiffre que 5. Bah, vous savez, il y a beaucoup de versions par rapport à ça. Déjà, ce qu'il faut dire, c'est que Yuri Modine, qui était l'officier traitant des 5 de Cambridge de 1944 à 47, et puis après même qui a suivi un certain nombre d'entre eux à Londres, lui, il a sorti un livre et il était enseignant d'espionnage à l'Institut Andropov, et donc lui disait que en réalité ce chiffre n'existait pas, c'est une invention des journalistes et des écrivains. Probablement, on pouvait nous donner 7-8 noms. Par exemple, on peut citer George Blake aussi, Victor Rothschild et d'autres. Et même Yuri Modine, dans son livre, il parle de 30 sources qui étaient en opération à Londres à cette époque-là. Avec le même profil qui venait de Cambridge. Avec quasiment le même profil. Bon, il y a eu d'autres personnes, il y a eu des gens qui travaillaient, par exemple, dans le service de codage et chiffrement qui étaient plus les techniciens, mais bon, il y a eu d'autres personnes qui avaient à peu près le même profil. Mais ce chiffre 5, il a rangé finalement des deux côtés. Il a rangé les Brits et il a rangé les Soviétiques. Les Brits parce que, pour ne pas aggraver les scandales chez eux, parce que déjà, c'était un grand scandale d'avoir 5 personnes qui ont trahi. Oui. Voilà, et si on disait qu'il y en avait 30, bah, vous imaginez le scandale, 6 fois plus. Hein. Et le KGB pour cacher la vraie ampleur de la trahison chez les Brits, hein, pour qu'ils ne cherchent surtout pas d'autres traîtres, parce que les espions ne sont pas vraiment vaniteux, hein. C'est le service d'espionnage, on ne connaît que des échecs, et ils ne crient surtout pas sur les toits leur réussite. Non. Alors, toute l'histoire de Philby et de ses camarades, 5 ou plus, s'inscrit dans un contexte de politique internationale très particulier. Donc, on l'a dit, la crise d'octobre 29, le krach boursier, qui génère la montée du repli sur soi-même, hein, des peurs, donc des fascismes en Europe, et les débuts de la Seconde Guerre mondiale. Tout ça est accepté par l'histoire, évidemment. Une chose paraît toutefois étonnante. Lorsque Philby est recruté par l'agent du NKVD, il n'est pas activé, on ne lui demande rien. Alors, on a tenté de l'expliquer pendant le récit, il s'agit d'apparaître le plus banal possible, quoi, mais tout de même, difficile à tenir. Oui, et d'ailleurs, je vais vous dire que l'Union soviétique a voulu pendant très très longtemps cacher cette partie de vérité, parce que il faut remettre cette histoire aussi dans le contexte historique. Il ne faut pas oublier que les années 30, c'est l'époque des grandes purges staliniennes. Plusieurs vagues entre 1933 et 1939. Mmh. C'est pour vous dire que pendant ces purges, Staline a quasiment fusillé tous les grands révolutionnaires qui ont fait la révolution de 1917, et il a quasiment anéanti le service d'espionnage et le service de renseignement soviétique. À plusieurs vagues, parce que d'abord il y avait Yagoda, après il y avait Yezhov et après Beria. Mmh. Et donc, en réalité, la NKVD a recruté des sources inestimables, extraordinaires en Grande-Bretagne, mais de l'autre côté, En réalité, il y avait personne pour lire ce qu'il envoyait à Moscou. Mmh. Et d'ailleurs, Modine, qui est venu en 1943 à la NKVD, c'était un jeune homme. Il avait 21 ans. Et, il savait même pas parler l'anglais. Enfin, il a passé juste une année à pratiquer un peu l'anglais. Il était même pas un opérationnel. Il avait aucune notion d'espionnage. Et il traduisait. Il s'est retrouvé avec un tas énorme d'informations qui étaient envoyées de Londres, et il ne savait pas quoi en faire de ces informations. Et en fait, à cette époque-là, à la place des colonels et des généraux, c'était les sergents qui occupaient dans le département anglais de la NKVD, en fait, du service d'espionnage de la NKVD, de la première direction générale, il y avait 7 personnes. Donc, vous imaginez que ça, l'Union soviétique n'a jamais voulu le dire. Et donc, bien évidemment, ils mettaient la sauce. Oui, tout à fait, on prenait des précautions, etc., etc. Mais en réalité, il n'y avait personne pour traiter convenablement. Vous imaginez, moi, si je suis un directeur de la NKVD à l'époque, j'ai 5 personnes, ne serait-ce que 5, sans parler les 25 autres. Je crée un département entier, je mets 100 persones qui vont traiter tout ce qu'ils donnent. Évidemment, en fait, vu la matière, ça vaut le coup. Voilà. Et donc, en fait, ils étaient 7, ils ne parlaient pas l'anglais, ils ne savaient pas quoi en faire. Et en gros, la moitié de ce qui a été envoyé à Moscou était mise à la poubelle, et l'autre moitié ils traduisaient comme ça de temps en temps. Ils étaient complètement dépassés par la chose. Voilà. Bien. Voilà le contexte historique. C'est intéressant. J'ai dit bien sûr parce que il y a eu les mêmes conséquences sur l'armée rouge et ses généraux. À force de purge, elle a été encore décapitée. Pire. Encore pire. Bien. Dans cette histoire des 5 de Cambridge, toutes les sources s'accordent sur un élément vraiment important. Philby, Blunt, Burgess, MacLean et je ne sais pas, cite pas le nom, ont toujours refusé. Et je le dirai pas. Voilà, merci. Ont toujours refusé de recevoir de l'argent des soviétiques. D'abord, est-ce vrai? Et si c'est vrai, c'est quand même important. Il faut ça par conviction, alors que agent d'enseignement, c'est un métier, on est payé. Puis quand on est recruté, c'est rarement gratuitement. Non, c'est parfait, c'est vraiment vrai. Et d'ailleurs, espion, c'est pas un métier, c'est un mode de vie. C'est une croyance. On rentre dans le service d'espionnage comme on rentre dans sous les ordres. Dans les ordres. Dans les voilà. Ordres. Comme on dit. Vous m'avez mangé le mot de la bouche. Donc, ils étaient les vrais communistes. Ils étaient très engagés. Ils étaient d'ailleurs souvent plus engagés que les soviétiques parmi les officiers traitants. Et donc, ils refusaient, mais catégoriquement, tout paiement, parce que pour eux, c'était honteux de recevoir de l'argent du parti pour le travail idéologique considéré comme, tout simplement, comme leur devoir, comme les membres du parti. Bien, tout à l'heure, on a entendu, pendant l'émission, le patron, Paul McCartney, chanter Live and Let Die, chanson commandée pour un James Bond. Figurez-vous que la chanson qui a été commandée pour le prochain James Bond, No Time to Die, est l'œuvre de la patronne, j'ai la patronne des révélations depuis ces 2 dernières années, Billie Eilish. I'd leave alone just goes to show that the blood you bleed is just the blood you own. We were a pair. Paradise, now you know. Billie Eilish, No Time To Die, retour à Grenoble dans les studios de France Bleu Isère, que nous remercions au passage, pour vous retrouver, Sergueï Girnov. Je suis toujours là. Mais oui, je n'en doutais pas. On va écouter une archive ensemble. Il s'agit d'une déclaration de l'ancien directeur du MI6, les services secrets extérieurs du Royaume-Uni. Il s'appelle Sir Richard Dearlove, ce qui veut dire cher amour. C'est joli pour un espion. Il livre quelques-unes des caractéristiques des services de renseignement outre-Manche. Okay, well, there's a very significant cultural difference between the intelligence and security community in the UK. Il y a une différence culturelle très significative entre la communauté du renseignement au Royaume-Uni et son homologue en France. Au Royaume-Uni, le renseignement est une profession reconnue qui a toujours attiré des gens qui auraient pu choisir n'importe quel autre secteur et réussir. C'est notamment parce que les services secrets ont été constitués comme une part importante du gouvernement. Et ce, depuis le milieu des années 30. And there's always been a strong sort of intellectual link between people who have worked in the intelligence community. Il y a toujours eu une connexion intellectuelle entre la communauté du renseignement et le monde universitaire. I mean, the most famous example of that is during World War II. L'exemple le plus célèbre est le décryptage des codes allemands durant la Deuxième Guerre mondiale. Oui. Enigma. Est-ce que c'est la même chose dans les autres pays? Et c'était la même chose en URSS? La même approche du métier d'espion par rapport à ce que vous venez de me dire, a priori non, en tout cas dans les années 30, mais après? Après, oui. C'est quelque chose qui ressemble beaucoup, parce que c'est déjà les Britanniques ont inventé l'intelligence. Le mot parle pour lui-même. En France, l'espionnage est une histoire de barbouzerie la plupart du temps, quelque chose de honteux et sale, à l'exception peut-être du comte d'Alexandre d'Amaranche, aristocrate à la tête de la DGSE. Et en Union soviétique, c'est l'élite de l'élite, le KGB, surtout le service d'espionnage. Moi, j'étais fier quand on m'a proposé de travailler pour ce service. La Russie actuelle, le président est issu du KGB, l'OSFR était dirigé par un ancien premier ministre, Mikhail Fradkov. Actuellement, il est dirigé par l'ancien président du Parlement, Narychkine. Et puis Andropov, secrétaire du parti. Numéro un soviétique. Hein. Oui, tout à fait. Et qui est devenu chef d'État, exactement. Aux États-Unis, George Bush, le directeur de la CIA, est devenu président. Mais aucun dirigeant français des services secrets n'a jamais passé dans la vie civile pour occuper un poste politique et aucun grand homme politique n'a jamais dirigé un service secret français. Dites-moi, Sergueï, vous avez rencontré Philby? Oui. Parlez-moi de Philby, on en a tellement parlé, là, pendant quel homme était, à quoi il ressemblait, comment il parlait, quelle impression il vous a fait. C'est exactement le portrait qu'on a entendu aujourd'hui dans l'émission. C'est un aristocrate. En réalité, il était très simple. C'est quelqu'un qui pouvait ressembler parfaitement à un soviétique. Vous le mettiez dans une robe dans le goulag, pourtant... À 3 kilomètres, on aurait dit c'est un aristocrate anglais. Il dégageait quelque chose de particulier. Mmh. Et avec son petit air de rien du tout, c'était quelque chose de. Il avait un aura, il avait quelque chose de. Il avait un charisme extraordinaire. Il parlait un accent britannique extraordinaire, parce que vous savez, il y a un accent britannique qu'on parle, que parlent les dirigeants. En fait, c'est si vous parlez pas cet accent, vous avez aucune chance de devenir un homme politique en Grande-Bretagne. Comme par exemple, c'est le cas du premier ministre français actuel, Jean Castex. Il passerait pour un plouc en Angleterre s'il parlait le même accent en Grande-Bretagne. Et donc, Philby, il parlait ce British, c'est extraordinaire. Il parlait très très mal russe. D'ailleurs, on n'a jamais appris vraiment à parler russe. C'est pour ça d'ailleurs sa conférence était en anglais et était réservée aux gens qui comprenait ça. Et puis moi je l'ai connu à la fin de sa vie, donc c'était en 86, il allait mourir en 88, il était déjà sur sa fin de sa vie, donc il a vécu plein de déceptions, mais à cette époque-là, il était plutôt content. On a commencé à lui demander des services, on le faisait venir pour faire des conférences à l'école du KGB. Donc il donnait des cours particuliers aussi dans la direction S, la direction des illégaux. Pour les gens qui allaient partir en Grande-Bretagne et à l'étranger. Voilà, donc ça c'est le portrait que, qu'on a vu. Partagez-vous l'idée selon laquelle, on l'a dit hein, pendant le récit, l'histoire des 5 de Cambridge constitue la plus grosse opération d'espionnage de l'histoire récente? Je dis ça parce qu'il y a quand même eu l'affaire Farwell qui était énorme. Absolument énorme. Est-ce qu'on peut dire que les 5 de Cambridge, c'est la plus grosse affaire? Non, on peut pas dire c'est la plus grosse affaire. Bien évidemment, c'est les auteurs des livres qui veulent se faire mousser. C'est une belle affaire. Ça, c'est sûr et certain. C'est une belle affaire qui a duré plusieurs années. C'est une belle affaire. C'est un exemple type d'une affaire réussie. Mais comme vous avez parfaitement raison, Vetrov, alias Farwell, c'est une affaire énorme. Sauf que les services français ne l'ont pas recruté. C'est ni l'affaire de la DST ni l'affaire de la DGSE lui-même a proposé ses services. Bien c'est sûr. Pour ça d'ailleurs que bon, c'est peut-être ça marque un peu moins bien. Mais le volume d'informations qu'il a donné, il est énorme. Absolument. Et faut pas oublier que 43 personnes ont été expulsées de France suite à ces révélations, et 156 personnes de d'autres pays, et 350 agents découverts dans le monde entier. Sergueï, je vous coupe, et sans problème de conscience, parce qu'on se retrouve demain. Hein? Tout à vous fait. Serez là demain, vous serez notre invité pour parler. Mais c'est une certitude, le rendez-vous est pris. Deuxième volet demain des 5 de Cambridge. Merci, à demain. Merci. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, les 5 de Cambridge, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr, évidemment. Et merci à Pauline Laverdure qui était à la technique aujourd'hui. Retrouvez Affaires Sensibles, la pièce de théâtre adaptée de l'émission au Tristan Bernard à Paris à partir du 22 septembre.